L'intro musicale d'aujourd'hui est différente de l'habitude. C'est plus des funérailles, c'est un in memoriam, tu sais, les petits montages qu'ils mettent aux Oscars. C'est pour Mofos et Sophisticated Sex Robot. Les boys. Romain, si t'as pas de running back, à moins que tu fasses quelque chose, ça changera pas, même si t'as 4 victoires. Puis en Actil, t'as échangé Camara pour un sac de Lays à la net. À start de Howard puis Hyde. 2-4, ça va être difficile. Fait que les boys, cette chanson-là est pour vous. I know I've let you down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt and pain, it's time for me to respect the ones you love me more than anything. So with sadness in my heart, feel the best. Was happy, now is sad. I'll never love again. My world is ending. I wish that I could turn back time, 'cause now the guilt is all mine. Can't live without the trust from those you love. I know we can't forget the past. Forget love and pride, because of that it's killing me inside. Très, très émouvant, très émouvant. Rest in peace. Ouais, c'est la deuxième fois que j'enregistre crise de podcast, parce que hier, je sais pas, j'avais enregistré, ça avait duré 45 minutes, Vince puis Xav avait appelé tout, puis je l'écoute, puis il y a un gros bruit de fond en arrière, j'ai aucune idée pourquoi. Fait que là, je l'enregistre ce matin, puis je pense pas que je vais pouvoir parler à Xav puis Vince, puis ça me fait chier, mais ça reprendra la semaine prochaine, là, gars. Donc, presque la moitié de la saison régulière de fête, on a 6 weeks sur 13. Il y a des équipes qui vont commencer à paniquer, des équipes qui sont en bonne voie, il y a des blessures qui vont arriver. C'est loin d'être fini, là. Personne n'est out vraiment, là, fait que... Surtout dans ma division, là. Fait, non, mais... Nous, on continue à faire des trades, des affaires de même. Toujours améliorer votre équipe, comme les gros trades la semaine passée avec Gurley et Camara. Là, la ligue peut changer là, de même. Là. Fait que week 6, c'est passé des... il y a eu des petits upsets. Commencez d'ailleurs par celui-là. Paris et le Potato 118, le gros 106. Un comeback Monday night de mon cousin avec Kareem Hunt 27 points. Tom Brady 22 points, David Johnson qui en a eu 12, Alshon Jeffrey grosse game jeudi 23, Juju grosse game 16, Rudolph 5, Baldwin qui revient à la vie avec 12 points. Mais vraiment c'est Brady puis Hunt Monday night qui ont Sunday night ouais, qui ont tout fait. Et l'autre bord, Kirk Cousins 17 ça va, Mixon 16 c'est bon, c'est quoi une grosse game à 33, DeSean Jackson 10 points c'est bon, Cook 6 points c'est assez mauvais, Trey Burton qui a attrapé le shovel pass encore, là, dans le trick play au end zone, fait 10 points, et AJ Green 12 points qui reste constant. Donc là mon cousin a vraiment besoin de cette victoire là, il tombe 2-4, donc il reste pas mal dans la course, là, au cœur de la course aux séries, que c'est vraiment bon pour lui. Puis t'as mon oncle qui n'échappe une quatrième en ligne. Je sais pas si c'est le karma, hein. on va voir, mais... Comme j'ai dit, cette équipe-là n'a pas de profondeur. Là. C'est des bons starters, mais il y a 105 points, c'est pas une mauvaise semaine. C'est plus de la bad luck que d'autres choses qui est perdu. Mais à 2-4, il faut qu'il recommence à gagner, lui, parce que sinon, il va être dans la marde, là. Autre match-up, Los Fuegos continue à rouler, qui passe à travers les Flying Pelicans 119 à 82. Les Pelicans de Sean Watson, c'est chié dans la gueule, là. 5 points. Alex Collins, 17 points, grosse game. McCaffrey, 10 points, pas très grosse game. Edelman, 14 points, il touchdown. Evans, 7 points. Moi, je t'inquiète, Evans avec Fitzpatrick, je pense. Avec Winston, parce que je pense pas que ce sera comme avec Fitzpatrick. Braid, 8 points, il y a le touchdown, c'est bon. Puis, grosse game, Tariq Cohen, 19 points et demi. L'autre bas, Matt Ryan, 28 points, grosse game. Lamar Miller, 8 points. Lamar Miller fait toujours 8 points, Chris. James White, 11 points, c'est bon. Robert Woods, 15 points, c'est bon. Diggs, 5 points, mauvaise game. C'est des choses qui arrivent. Eric Ebron, continue d'être un dieu avec 15 fucking points. Et Tyreek Hill, on a tout vu Sunday night. On a tout vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour Los Pogos continue de dominer. Donc, 5-1, premier dans la ligue. Je vois pas comme. Je pense que sa place en playoff, lui, est pas mal. C'est pas mal leur lock. Tandis que mon cousin, qui vient d'échapper 3 en ligne, là, il a commencé 3-0, là, il est 3-3. Il est encore au milieu de la course, tu sais. C'est juste que faut qu'il recommence à gagner. Là, parce que ça fait 3 semaines qu'il a pas gagné. Puis, s'il veut faire les séries, il faut qu'il commence à gagner cette semaine ou la semaine prochaine. Là. Autre match-up, Argent Votanique qui l'emporte 114-98 contre Sophisticated Sex Robot. Du coup de l'équipe en tir, Rivers 14 points, c'était pas très bon. Les running backs qui combinent pour un gros 8 points à peu près. Hyde et Howard, c'était désastreux. Devante Adams, monstrueuse game de 30 points. Tyler Boyd, 21 points, grosse game aussi. Gronk, 11 points solide. Keenan Allen, 12 points, ça va. L'autre bord, Ben, 21 points. Yeldon, 8 points. Connor, 27 points encore. Hopkins, 14 points, constant. Thielen, 23 points, lui, c'est ridicule. Travis Kelce 8 points et Tevin Coleman 10 points. Fait que ouais, Argent Vatanique continue à rouler. Anctil, ça continue d'aller pas bien pour son affaire. Il vient d'en perdre 2 en ligne. 2-4. Il est quand même 3e dans la division, mais lui aussi, il faudrait qu'il commence à gagner bientôt. Imonette qui continue de suivre Marlowe de près après y avoir donné une victoire. Facile week 3 quand il a dit de starter Yeldon, il a starté Keelan Cole, il a perdu par 2 points. Mais il devrait être 5-1, ça j'essaie de dire. Le Marlowe, une victoire mardeuse, mais c'est des choses qui arrivent. Puis c'est ça. Deuxième dans cette division, Monette qui court après le bail en ce moment. Moi contre Mofo, j'ai fini 117-95. De mon côté, qui dit qu'il fallait avoir un QB de tout en le même, hein? Streamer Jameis Winston, 31 points. Todd Gurley, 35 points. C'est ridicule. Zeke, 18 points. Bon match. Sanu, 2 catchs. Mais il y a eu son touchdown, fait 11 points. Beckham, 7 points. On a tout vu le TNF, là, c'était dégueulasse. Graham, 13 points. Très bonne game. Et Cooper Kupp qui s'est blessé. Devrait être pour une couple de semaines. Là. Ça, c'est pas très bon pour moi. Mais juste 1 point à cause de la blessure. Aaron Rodgers, 28 points, très bon. Marshawn Lynch puis Chris Carson, 7 et 5 chaque. Ça n'a pas aidé Romain. Julio Jones, grosse game à 19 points. Tyler Lockett continue d'être ultra constant avec 9 points. Il attrape toujours sa jambe, c'est pas dur. Zach Ertz, 14 points, très bon. Puis Didi Westbrook qui a ultra jambe, donc 11 points. Je mène la division par un game et demi, là, si on sort les points pour. Donc moi, c'est ma quatrième victoire en ligne, fait que je suis content, c'était ça mon but là, je savais que j'allais commencer à gagner, mais 4 en ligne, c'est très bon. Et l'autre bord, Romain, qui subit enfin la défaite, qui tombe à 4-2. Ouais, tu sais, l'affaire de funérailles, j'ai joué au début de l'épisode, c'est sûr, Romain a 4 victoires, il est pas mort vraiment, là. Mais c'est juste, ça, je regarde ses running backs, puis écoute, dans cette division, si il arrache une ou deux autres victoires, là, il va être dans le mix là, à la fin. Là, s'il arrache 2 à 3 victoires, il va faire les séries, tu sais, probablement. Fait que non, vraiment, il est pas vraiment mort, c'est juste que j'ai la misère à le voir gagner d'autres games avec ce roster-là. Mais continue de même, Romain, c'est bon, déjà fait un trade pour Eckler et Coleman, déjà... Ça, c'était un bon trade, honnêtement. Fait que continue de même, on sait jamais. Et au bord, les Junkies qui score all-time low de 54. Et les Sinners qui l'emportent, comme j'avais prédit, 105 à 54. Grosse victoire pour les Sinners, qui est une deuxième victoire très importante. Du côté des Junkies, Andrew Luck, 22, ça va, mais le reste, Shady McCoy, 11, c'est correct. Alfred Morris, un gros bagel, 0 points. Corey Davis, 3 points. Calvin Ridley, 6 points, il s'est blessé. Jared Cook, 2 points. Adrian Peterson, 10 points. Donc, très faible production des Junkies avec Thomas et Kamara en bail. Mais il s'y attendait, anyway, Vince a perdu cette semaine-là. Puis l'autre bord, t'as Mahomes, 27 points. Gordon, 34 points. Corey Clement, touchdown à 14 points. Antonio Brown, 19 points, gros match. Landry, 2 points. Kittle, 5 points. Et Buck Allen, 3 points. Ben, c'est ça, cette équipe-là, juste, avec, juste Mahomes, Gordon, puis Brown, c'était déjà pas mal, là. Considérant que t'as 3 joueurs qui sont plantés, ils ont fait 5 points et moins, puis Xav a quand même fait 105, là. T'sais. Fait que, donc, cette équipe-là est dangereuse. Juste, le trio de Gordon, Mahomes, puis Brown peut faire des dommages. Puis il peut battre n'importe qui rendu les playoffs. T'sais. Ça, j'essaie d'exprimer, là, parce que je pense que Xav va y faire les playoffs. Je sais qu'il est 2-4, mais je suis assez confiant avec ce roster-là. À moins que ce soit très malchanceux, là. Je suis pas sûr qu'il va aller scooper au moins la 3e place dans cette division-là. Puis Vince, il est dernier, mais il est 2-4. Le même nombre de victoires quand il est en 3e place. C'est juste les points pour sa fessée cette semaine. Mais avec le retour avec Kara et Thomas qui reviennent du bail, je pense qu'il va recommencer à gagner. Puis je le vois sneaker en 2-3e place à la fin de la saison. Là. Surtout que la 2e place en ce moment dans notre ligue a juste 3 victoires. Vince, rien n'est possible. Fait que c'était ça pour les match-ups de Week 6. Là, on passe à Week 7 qui apparemment est encore une semaine avec juste des match-ups interdivision. Je sais checker, mais oui, ça semble être ça. Encore juste des match-ups interdivision. Puis je pense que les dernières semaines, c'est juste quasiment juste des match-ups de division. Fait que là, ça va être bien important pour le classement, là. Accumuler des grosses wins en interdivision comme ça pour pouvoir booster son ranking. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que l'intro était comme un preview des power rankings un petit peu, mais je vais faire les power rankings. Commencer là. Avec numéro 10. J'ai pas caché mon le fait que j'aime pas la Team Antille. Je crois pas que c'est une excellente équipe. Donc je me suis sophistiqué de Sex Robot 10. C'est juste que. Tu sais. L'échange avec Kamara, c'était pas bon. C'était pas un bon échange. J'aime pas ça. Hyde et Howard, c'est des joueurs ennuyants. C'est pas des joueurs excitants. Tu sais, Devante Adams, Tyler Boyd, Keenan Allen, puis Gronk, genre. Tout du côté receveur, ça va. C'est pas des joueurs ultra explosifs, là, à part Adams, mais ça va. Rivers à QB, whatever. C'est juste que. Il va avoir de la misère à gagner. Parce que Keenan Allen, son ceiling n'est pas tellement haut d'habitude. Là. Il y a eu des grosses games l'an passé. Mais c'est ça. Adams va pas faire 30 points à chaque semaine. J'ai de la misère avec cette équipe-là en ce moment. Je pense qu'échanger Kamara, un gars qui a un très haut ceiling à. La position running back, c'est une grosse erreur. Fait que c'est ça. 9e, j'ai Mofos. Encore une fois, un gros problème de running back. Tu sais, Tate, Jones, Hurts, c'est correct. Mais c'est juste que les running backs. Puis Aaron Rodgers, Tyler Lockett, c'est très bon. C'est juste que Marshall Lynch, son équipe, est toujours de l'arrière. Donc, c'est dur de le faire courir. Et, tu sais, cette année, il start Coleman et Eckler, mais même là, sinon, il startait Carson puis Lynch ou je sais pas trop qui. C'est dur d'être compétitif quand t'as ça dans ton backfield. Donc, numéro 9, Mofos. Numéro 8, Flying Pelicans. Fait une couple de semaines que je dis que j'aime pas son équipe. Là, on a fait le trade un petit peu plus complète, mais encore là, il y a des problèmes. Tu sais, McCaffrey, c'est bon, mais, ouais, Collins... peut-être qu'il va commencer à être popé. Terry Cohen aussi, mais c'est des gros ifs, là. Deshaun Watson, il va faire des grosses semaines, il va faire des semaines de merde. Puis les receveurs, tu sais, Edelman, Evans, puis T.Y. Hilton, Amari Cooper, c'est juste pas très excitant. Puis je pense qu'Evans va pas être très, très bon, là, avec Winston. Donc, Ouais, c'est ça. J'ai des receveurs qui m'excitent pas trop. C'est une équipe qui est correcte en général, mais qui est juste vraiment pas excitante là, en bout de ligne. Puis que je suis pas vraiment excité. Je pense pas que s'ils vont une semaine super explosive qui va lui permettre de gagner. Numéro 7, hey le gros. J'arrête pas de dire la même affaire depuis le début de la saison. J'aime le roster. J'aime pas le bench. T'sais, Barkley, là j'espère qu'ils vont être mixés dans la place de Breda, là, sinon c'est un désastre. Mais il faudrait qu'ils changent un des deux Bengals, honnêtement, pour dire s'il faudrait qu'ils changent Green ou Mixon. Comme ça, ils se donnent une meilleure chance de gagner. Mais je suis pas, il a l'air anti-échange parce qu'il est attardé mental, mon oncle. Fait qu'il fera pas d'échange, puis il va manquer les séries à cause de ça. Pas compliqué, là. Ils viennent d'en échapper 4 en ligne, là. C'est pas normal, ça, là. Ouais. Non, j'aime beaucoup Saquon. Drew Brees, Kirk Cousins, c'est bon. AJ Green, Brandon Cooks, j'aime tout ça, là. Puis Joe Mixon aussi, je l'aime beaucoup. C'est juste qu'il faudrait qu'il change un des deux Bengals. Puis il a mal drafté, fait qu'il a pas de bench. Numéro 6, Paris El Potato. J'ai dit qu'elle allait être 10e toute la saison, mais c'est plus le cas parce que je suis trompé sur Kareem Hunt, ça a l'air. Il y a beaucoup d'opportunités. David Johnson est revenu à vie. Alshon Jeffery et Juju, ça semble un bon duo de receiver. Pas vraiment de tight end, mais Doug Baldwin qui est revenu à vie aussi la semaine passée. C'est pas une mauvaise équipe. Honnêtement, c'est une équipe qui pourrait peut-être même faire les séries, on va voir, là. Mais si Hunt et Johnson continuent à rouler, puis Jeffery c'est un target monster, puis Juju, ben, il fait toujours la même affaire. Fait que, non. J'aime cette équipe-là. 118 points la semaine passée, très très bon. Et ouais, Emilien rendu 6e des Power Ranking. 5e, je mets les Junkies. Et oublié la semaine passée, là, ces deux meilleurs joueurs jouaient pas. Je pense pas que Thomas va faire autant de points en début d'année, mais il va rester solide. Kamara, il est très bon. Mecca, il a l'air de revenir à vie lui avec. Galladay, c'est un fringe wide receiver 1 depuis le début de l'année, c'est cave. Puis. À part ça, c'est pas ultra excitant, là. Calvin Ridley, Corey Davis et Adrian Peterson, c'est correct. C'est pas une équipe excellente, mais là, il coupe de joueurs d'élite, puis ça lui permet de gagner des semaines. Fait que, ouais, j'aime Vince, je pense qu'il va faire les séries dans notre division. Quatrième, je mets les Sinners. Oui, ils sont 2-4, mais Gordon, Mahomes, Brown. Kerryon Johnson, Jarvis Landry, j'aime tout ça. Kittle, c'est un reliable tight end. Je pense que Dalvin Cook va s'améliorer. Ben, il va revenir au jeu, là, mais il va être productif vers la fin de la saison. Fait que ça va l'aider. C'est une équipe que j'aime bien, là. Fait que j'ai mis 4e. Je pense qu'il va continuer à gagner puis regrimper dans le classement pour se qualifier pour les séries. 3e, mais argent et voix technique. T'sais. Lui puis Los Pogos, ça va dépendre de la situation Bell Connor, mais t'sais, Hopkins, Thielen, Kelce puis Sony Michel, c'est quatre pièces assez excellentes. On voit pendant combien de temps il va voir James Connor, mais avec Connor en ce moment, c'est très bien. TJ Yeldon, ça va. Lindsay, ça va. Et ouais, c'est ça. C'est une équipe que j'aime le roster, là, honnêtement, là. Pas grand-chose à dire. C'est juste qu'ils vont avoir un petit problème de running back quand Connor va s'en aller. Deuxième, je mets mon équipe. J'ai Gurley et Elliott à running back. 9-7. Beckham, je pense pas qu'il va faire 7 points toute l'année. Il l'a prouvé la semaine passée qu'il y a un ceiling assez élevé. Il y a 2 semaines en fait. Et Cooper Kupp, je sais pas est-ce qu'il va revenir, mais Beckham et Kupp, j'aime ça le duo. J'ai mon tight end, Jimmy Graham, il est correct. Puis en flex, mais ouais, ça c'est peut-être plus ma faiblesse là. Faut que je cherche genre Josh Gordon ou Marlon Mack, on va voir. Anyway, je pense que j'ai le cas de trouver un bon flex ces waivers d'ici la fin de la saison. Il y a plein d'affaires qui vont se passer. Donc ouais. Tu sais, j'ai Gurley puis Elliott là. Puis Beckham. En tout cas, je pense pas que j'ai besoin de ça. Ça fait 4 en ligne que je gagne. Je pense pas que j'ai besoin d'en expliquer tant que ça. Et première place depuis plusieurs semaines des Power Rankings, Los Pogos. Avec maintenant Mark Ingram. Diggs, Woods, Tyreek Hill, Cam Newton, Matt Ryan comme duo. Sanders qui a pas joué de la saison pour lui, mais qui starterait pour la plupart du monde dans la ligue. Lev Bell qui va peut-être revenir dans pas long. Et Fournette qui est blessé, peut-être qu'il va jouer. Donc cette équipe-là, le potentiel d'être monstrueuse avec Bell rendu les playoffs. On voit qu'est-ce qui va arriver. Mais ouais, c'est ça. Très bon roster. Puis là, c'est pas gros. C'est premier dans la ligue. Premier des power rankings. Et c'est pas mal ça, là. Rendu à combien de temps? 20 minutes. Ouais, hier j'ai fait, j'ai fait 45 minutes parce que les gars avaient call. Puis là, aujourd'hui, ça va peut-être être 25. Parce que, premièrement, on est le matin, là. Puis, tu sais, la même affaire que j'ai dit hier, c'est moins motivant. Fait que je vais pas m'étendre trop longtemps, là. Mais c'est ça. Et ouais, on va finir en previewant les match-ups de week 7. Comme j'ai dit, toutes des games interdivision, là. Fait que c'est comme très important pour le classement général, c'est le temps de gagner, là. Donc, premier match-up. Autant j'ai vanté Paris El Potato, il joue contre Los Pogos. Tu sais, tu regardes Matt Ryan contre Tom Brady qui va être. Mettons que c'est égal. David Johnson, Kareem Hunt contre Ingram puis White. Mettons avantage à mon cousin. Mais. Juju et Baldwin sont en bail. Fait que ça va être Jeffrey puis deux scrubs. Contre Robert Woods, Stephon Diggs, Tyree Kill. Puis Ebron, une meilleure saison que Rudolph. Donc, j'aime Los Pogos pour l'emporter encore une fois et tomber 6-1. Mon cousin qui tomberait 2-5, mais. Il serait pas hors de la course aux séries pour autant, là, il serait encore dedans. Mais c'est ça. Autre match-up, Laval D-Bags contre Argent et Votetnik. C'est ça. Connor puis Big Ben en bail. QB, Dalton contre Trubisky, j'aime mieux Dalton. Gurley puis Zeke contre Yeldon. Et Sony Michel, j'aime mieux Gurley puis Zeke. J'aime mieux Hopkins, Steven, Kelsey que Crabtree, Beckham et Njoku, ça c'est sûr. Puis Philippe Lindsay contre Marlon Mack en flex, c'est à peu près égal. Ça va être très serré, je pense, surprenamment, parce que tu sais la blessure à Kopp, puis d'autres facteurs font en sorte que mon roster est pas à son meilleur en ce moment. Mais tu sais, avec Gurley, puis Zeke, puis OBJ, je m'attends à être compétitif, peu importe, là. Je me vois gagner par pas beaucoup, mais comme je dis, ça peut changer, là. Je m'attends à 60-40, gagner et perdre. Là. Fait qu'on va voir. Sinners contre Pelicans. Sinners qui essaie de continuer à gagner. Je regarde Mahomes contre Watson. J'aime mieux Mahomes. Gordon puis Kerryon Johnson. J'aime mieux ça que Collins puis McCaffrey cette semaine. Landry Robinson contre Edelman puis Evans. À peu près égal, je dirais peut-être avantage à mon cousin. Kittle contre Brate, j'aime mieux Kittle. Et Dalvin Cook contre Terry Cohen en flex. Dalvin Cook, je sais pas s'il va jouer. Mais peu importe, je sais pas. Cohen contre New England, je pense qu'il va avoir un bon match. Mais c'est ça, je pense que Xav va gagner. Puis il va tomber à 3-4. Et je pense que mon cousin aussi va tomber à 3-4 avec une défaite. Et ouais, c'est pas mal ça. Quatrième match-up, hey le gros contre Sex Robot. Ça, j'appelle le Desperation Bowl, ok? Parce que ces deux équipes-là, elles sont 2-4 et ont vraiment besoin d'une win pour se relancer, pour se remettre dans la course aux séries, vraiment. Et c'est ça, ces deux équipes qui filent pas bien, là. Mon oncle, il a perdu 4 en ligne, Anctis, ça fait 2 en ligne. Puis, ouais, c'est ça. Je regarde Drew Brees contre Rivers, je vais mettre ça à peu près égal. Il met Breda puis Barkley. S'il met pas Mixon à la place de Breda, là, mon oncle mérite de perdre chacun de ses matchups jusqu'à la fin de la saison. Ce serait caf. Mais je vais prendre en compte qu'il met Mixon. Puis, fait que Mixon puis Barkley contre Hyde puis Howard davantage mon oncle. AJ Green, Brandon Cooks contre Keenan Allen, Tyler Boyd. Encore une fois, je pense que j'aime mieux mon oncle, surtout contre Green contre les Chiefs. Burton Gronk avantage Gronk. Puis Kenyon Drake contre DeSean Jackson. Mettons égal. Là, les deux sont. Les deux, c'est tout à fait un peu pitié. Fait que ouais. Je pense que mon oncle va l'emporter. C'est pas pour rien que j'ai mis en titre 10e dans mes power rankings. C'est pas pour rien que j'ai chanté ses funérailles au début de l'enregistrement. Fait que ouais, c'est ça. Avantage mon oncle selon moi. Et dernier match-up, Mofos contre Oshlaga Junkies. Jared Goff contre Andrew Luck. J'aime, mettons Goff. Coleman Eckler contre McCoy Kamara. Avantage Vince. Golden Tate, Julio Jones contre Thomas et Galladay. Un sneaky bon duel ici, je mets ça à peu près égal. Hurts contre Howard, avantage Hurts. Et Westbrook contre Marius Thomas, on va dire que c'est égal. Yeah, je m'en calisse un peu. Donc, ouais, je pense que Vince va l'emporter. Encore une fois, c'est pas pour rien que j'ai chanté funéraire à Romain, là. Mais Romain a une chance, gaffe. Si un de ses receivers explose, on sait jamais. Mais je prévois que Vince va l'emporter cette semaine et tomber à 3-4. Et je prévois que Romain va tomber à 4-3, rester dans la course aux séries, mais commencer à sentir se faire chauffer le cul par les Sénateurs dans pas long, là. On va voir. Donc, ouais, là, j'ai fait 20 minutes de moins que le premier enregistrement, mais hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je peux pas rappeler les gars matin, ils sont en cours, ils avaient un examen. Puis, ouais, Vince, je sais pas, mais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, en fin de semaine, je suis à Baltimore. Je vais voir la game Saints à Ravens. Donc, je vais peut-être être moins présent sur Messenger ou peu importe. Là, je vais avec mon père, puis je pense que Monette va venir là, finalement. Fait que, ouais, je m'en vais voir Saints à Ravens. Donc, bonne chance à tous en fin de semaine. Puis, en tout cas, je vous parle mardi prochain, là.